se situe au large de Bourou, à peu près 13 km. Elles sont disposées en triangle et sur une superficie de 62 hectares. Les premières traces humaines remontent à la période amérindienne. Les vestiges attestant cette première occupation ont été plus de 200 polissoirs. Nous avons également des tessons de poterie à décor d'incision et aussi sur le Saint-Joseph des roches gravées avec des figures anthropomorphes et zoomorphes. Au XVIe siècle, ce sont les Espagnols qui vont arriver sur ces îles. Ils vont les nommer les îles du diable, de par la dangerosité de leurs eaux. En 1763, donc c'est une grande colonie coloniale connue sous le nom de l'entreprise de Kourou qui va être lancée par le duc de Choiseul. Les îles, donc principalement l'île de Royal, va servir de port de mouillage à de gros bâtiments. La cadence des convois va entraîner une épidémie de fièvre sur la terre ferme, ce qui va contraindre les survivants à être regroupés sur les îles. Et elles vont gagner leur réputation de salubrité, donc leur nomination île du salut en 1765. En 1852, Napoléon III va créer le système de la transportation. Donc les premiers transportés choisis vont être des ouvriers, donc qualifiés dans la construction. C'est eux qui vont édifier les premières infrastructures sur l'île. De gros travaux vont être faits principalement sur l'île Royale, donc avec l'implantation de l'administration du bagne qui va s'installer dans la gorge de deux collines, sur la partie est de l'île, et du quartier de la partie ouest, donc qui est un peu plus haute, plus large, et où on trouve une source d'eau douce. Donc des baraquements de bagnards vont s'installer. La vocation de chacune des îles va doucement se définir. Donc l'île Royale va servir de dépôt aux condamnés, afin notamment de leur immatriculation, de leur classement, mais aussi de leur répartition dans différents camps. L'île Saint-Joseph va quant à elle servir d'île de la réclusion, et l'île du Diable va être réservée à l'isolement. Donc le pénitencier des îles va être fermé en 1936, et l'abandon, ça va être un oubli total des îles, et le recouvrement des vestiges par la végétation. Le Centre national de l'étude spatiale va devenir propriétaire de la majorité des parcelles par cession en 1971. Donc à partir de là, de nombreuses conventions financières vont être signées avec le ministère de la Culture dans une volonté de mise en valeur patrimoniale, mais surtout dans un premier temps de sécurisation du site pour le public. Les îles du Salut sont inscrites au titre de monument historique, donc inscrites intégralement au titre de monument historique en novembre 2012, à l'exception de quelques parties qui sont classées en 2000, donc telles que la chapelle et l'hôpital de l'île Royale, et également la maison de refuge de l'île du Diable. Donc les bâtiments actuels conservés datent de l'époque du bagne. Donc quand on revient au niveau de la chronologie, les premiers convois de forçats, donc en 1852, on va avoir des baraquements de bois en sapin qui vont être fournis par une entreprise de Bordeaux et qui vont être élevés sur la partie ouest de l'île Royale. Donc ces constructions sont provisoires. Disparaître afin de laisser place à des bâtiments en dur. Sur ces îles, on est face à une pénurie de matériaux. Nous n'avons ni sable, ni briques, ni bois. Donc les matériaux vont être obligatoirement ramenés de la terre ferme. On va donc utiliser ce que nous avions sur les îles, c'est-à-dire les blocs de latérite. Donc les blocs de latérite vont être extraits et taillés par les bâtiments. construction. Donc dans l'aménagement du pénitencier, il existe deux phases. La première phase est portée sur la mise en valeur économique des îles par la création d'ateliers, mais également de petits établissements industriels. Et la seconde phase va commencer à partir du moment où la transportation va recommencer et portée par la volonté de punir, mais également d'enfermer, et ainsi que la méfiance. On va avoir un décret en 1891 qui va aggraver les conditions de détention et qui vont pousser à une construction de locaux disciplinaires différents. Donc concernant notre bâtiment, donc l'asile, c'est un grand bâtiment rectangulaire. On a daté sa construction suite à des recherches au niveau d'anciens plans. Donc là, vous pouvez observer un plan donc daté de juin 1953, et on voit l'apparition de l'asile que vous voyez en bas à droite dans le petit cercle jaune. L'asile donc a subi différents états de construction. Donc son état actuel nous permet de voir cette évolution, mais aussi une chronologie des différents matériaux qui ont été utilisés et des modes de construction qui définissent également l'histoire du bagne en général. Donc dans un premier temps, nous avons une utilisation de pierres de taille. Ensuite, on n'est plus sur des moellons et caries. Et enfin, on passe sur la brique et les enduits. Donc, on observe trois grands états de construction. Le premier que vous pouvez observer sur ce plan, donc en 1853, sa structure interne est sur poteau. On a des arcatures sur les quatre façades. Donc, il servait à une caserne pour l'infanterie de la marine. Il y abritait 140 hommes. Au rez-de-chaussée, nous avions des cellules et à l'étage, nous avions des logements pour les officiers. Le second état de construction date de 1879, donc on voit une modification de la construction d'origine avec une division en cellules. Donc il va compter 16 cellules qui vont se distribuer de part et d'autre du couloir central. C'est à cette époque-là également que le bâtiment va être dévolu aux condamnés qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales. Qui vont être enfermés dans les cellules voûtées, éclairées seulement par une fenêtre haute. Le dernier état de construction date de 1912, avec l'extension de l'aile sud. Cet état d'ailleurs correspond à l'état actuel de l'asile. Au rez-de-chaussée, nous avions des cellules, et à l'étage, nous avions également des logements, donc deux, ayant chacun leur escalier particulier, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Actuellement, ici, notre asile. Au début des années 2000, le RSMA a mis en place une toiture légère, donc des tôles ondulées, posées sur une charpente à ferme sur poteau indépendant, permettant la mise hors d'eau du bâtiment et donc la suite de la dégradation. L'asile des aliénés, donc, comme je vous l'ai dit, est inscrit depuis le monument historique depuis 2012. Il est actuellement clos par un grillage et il est strictement interdit au public. Donc, dans un premier temps, pour des raisons de sécurité, on a des éléments d'élévation qui tombent. Et également pour une raison de conservation. Donc il comporte des éléments de décor intérieur et extérieur qui méritent d'être préservés, et une future campagne d'entretien va être lancée, d'où notre demande d'études préalables. Donc cette étude préalable a permis de faire un premier de des graffitis, mais aussi des décors muraux, et essayer d'avoir un protocole de conservation de ceci. L'étude a été suivie par l'entreprise Sinopia, donc qui se situe à Aix-en-Provence. Ils sont spécialisés dans la conservation, restauration. L'étude a été faite en deux phases, en général, Vous pouvez observer donc le plan de l'asile avec les différents points de sondage. Ils ne sont pas très très visibles, mais on les voit en petits points rouges, donc dans différentes cellules. Donc, parce que la stratigraphie des épidermes n'a pas pu être vérifiée de manière systématique par manque de temps, donc il a été fait par des sondages ponctuels visant à déterminer un groupe de succession stratigraphique. Différentes observations ont été faites et elle a permis d'identifier de manière globale l'importance des couches par groupe de cellules, donc les cellules ouest, les cellules est et les cellules sud. Sur les élévations des cellules sud, ouest et est, excusez-moi, les couches superposées sont relativement abondantes, ce qui nous permet de confirmer l'ancienneté du bâtiment. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, on est dans une cellule ouest, donc sur notre plan, vous êtes ici. Donc, cette cellule a permis d'identifier un certain nombre de stratigraphies. On a deux phases de couches stratigraphiques distinctes. Donc, une première phase qui débute par le support, donc on est sur de la pierre de taille, ou ensuite par une succession de badigeons, donc qui correspondrait en tout cas aux années 1853-1878. Et la seconde phase va se distinguer par un défaut de cohésion dans notre stratigraphie. Elle va commencer par une nouvelle couche d'enduit, suivie par d'autres couches d'enduit et d'autres badigeons qui correspondraient donc à la période à partir de 1879. Autre exemple, enfin là c'est une petite photo des différentes couches, donc avec le support en pierre, le mortier, les différentes couches de badigeons et les enduits par-dessus. Donc, autre exemple, là on est dans les cellules est, donc en haut à droite de votre plan. Donc là on observe une stratigraphie très très abondante, l'une des plus abondantes d'ailleurs de l'asile, et beaucoup plus colorée comparée aux autres. On n'a aucune information sur la destination de cette pièce et qui pourrait expliquer cette coloration. La stratigraphie était difficilement lisible par son état de conservation. Concernant les cellules sud, de prime abord, par observation sur le terrain, on voyait une stratigraphie un peu moins abondante et facilement lisible. Or, lors d'observation d'échantillons, on a remarqué qu'en fin de compte, la stratigraphie était aussi abondante que dans les autres cellules. Donc, celle ouest et est. Donc, voici l'exemple des différentes stratigraphies et donc de nos réductions de couleurs. Donc, concernant l'inventaire des graffitis, l'objectif de cet inventaire a été de repérer, localiser, mais également de faire un constat d'état de ces graffitis. Donc, sur ce plan, vous voyez l'implantation des différents graffitis dans toutes les cellules actuellement. Donc, on remarque qu'il n'y en a pas dans toutes les cellules. Donc, vous en avez un petit peu dans les parties ouest, celle-ci et dans la 6, l'est, et donc dans la partie plus récente du bâtiment, dans les cellules sud. Pour chacune des cellules, un tableau a été fait afin de présenter donc différents éléments. Donc vous avez le numéro de cellule évidemment, l'implantation de ces graffitis dans la cellule, une description, donc que ce soit un déchiffrage ou une interprétation partielle. Vous avez également les dimensions, les techniques utilisées, que ce soit de la gravure, de la peinture, du charbon. Le positionnement stratigraphique, mais également une datation, mais ça, elle n'a quasiment pas pu être faite, hein. Et le numéro de chacune des photos correspondantes. Donc voici quelques exemples de graffiti. Donc là, on est sur les cellules ouest, on est sur une inscription, donc, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, mais donc nous avons marqué 5000 francs à celui qui, nous avons une date d'inscrite, le 6-3-41. Autre exemple, un petit peu moins lisible, Donc toujours dans une cellule ouest. Donc on peut essayer de lire dans l'univers pour l'Amérique. Je suis sujet américain. Il y aurait quelques questions, mais l'entreprise nous a proposé Roosevelt par la suite. Et enfin, les doigts coupés. Autre exemple, donc Mexique, homme, des sept nations, d'IP au transmifuge. Côté cellule Est, on est plus sur du figuré. Donc là, on pourrait imaginer un billet banque avec marqué 100 francs sur le bas. Le chiffre 100 dans le coin droite, dans le coin bas droite, et quelques figures. Hop, sur celui-ci, donc on a un homme casqué, sûrement armé. Serait-ce un militaire ? Nous ne savons pas trop pour l'interprétation. Différentes observations en microscopie a révélé l'utilisation de pigments rouges pour certains graffitis. Avec à ses genoux deux anges, donc agenouillés également, une épée. Il y aurait un rappel de l'Assomption de la Vierge pour le côté religieux, donc qui n'est pas sûr évidemment. Les sculptures plus récentes, là on est sur des graffitis à la peinture noire. Mais également, nous avons des gravures. Alors là, l'interprétation est compliquée. On pourrait avoir un wagon, un engin avec un panneau, et nous avons un petit personnage qui se cache ici. Donc, également, un constat général des principales altérations a été faite sur la structure en elle-même, les enduits, les graffitis, mais également les décors muraux. Donc les causes majeures de dégradation sont les cristallisations salines, dues à l'interaction entre les maçonneries de l'œuvre et l'eau de pluie, donc par infiltration ou remontée capillaire. Elles se manifestent sous différentes formes, donc de l'efflorescence superficielle, comme vous pouvez voir en haut, ou alors des subflorescences sous forme de cloques ou de cratères. Nous avons également des fissures liées à l'oxydation du métal avec, et également une contamination biologique donc par différentes le micro-organisme avec en bas à droite donc, tout ce qui est champignons, bactéries. Nous avons les insectes avec les galeries des termites. Nous avons les végétaux avec les racines et les mousses. Et nous avons également les animaux sauvages, que sont les singes, qui peuplent sur l'île, qui ont un effet mécanique également de dégradation, mais aussi de leurs excréments. Les graffitis, donc, pour conclure cette étude, sont très nombreux et appartiennent à différentes époques, dont certains sont très récents. Ils sont difficiles à déchiffrer et à interpréter, car ils sont usés et lacunaires. L'état de conservation est minimal au support. La principale cause est le climat, évidemment. Sauf que face à cela, on n'a aucun moyen d'améliorer et d'affluer sur le climat. Les seuls moyens qu'on pourrait proposer afin d'améliorer ces conditions seraient la réfection de toit et ainsi que la gestion et collecte des eaux de pluie. Mais aussi d'éviter la prolifération biologique des végétaux. À court terme, peu de graffitis semblent menacés. Or, si on ne conserve pas mieux et qu'on n'améliore pas les conditions, forcément leur dégradation est inévitable. Suite à la réception de cette étude, donc on a une ouverture vers les études complémentaires que l'on imagine. La première serait un relevé photogrammétrique, donc très intéressant, surtout dans un premier temps qui aura un non-invasif. Et cela nous permettrait d'avoir une reconstitution en 3D, mais également un document iconographique, donc important pour nous. Une étude historique sur l'usage des lieux serait serait intéressant à faire, car il nous permettrait de préconiser différentes investigations ciblées pour essayer de retrouver des graffitis qui pourraient être sous-jacents, donc qui seraient cachés sous les différentes couches actuelles. La mise en relation de l'observation des épidermes, mais aussi de l'étude structurelle, nous permettrait de préciser les urgences et les modalités de consolidation. Donc pour cette consolidation, on pourrait essayer de faire des tests pour définir un protocole, pour la réaccroche de ces graffitis. Étant en manque d'informations sur les graffitis sous-jacents, la réaccroche pourrait s'envisager de façon ponctuelle et non par une imprimation totale, car on perdrait forcément les graffitis sous les strates. Un restaurateur qualifié serait appelé afin de faire donc une étude, comme par exemple la section murale du LRMH. Et également, l'inventaire s'ouvrirait sur un inventaire plus global sur toutes les îles, mais pourquoi pas sur un inventaire des graffitis en général dans les bâtiments du bagne à travers la Guyane. Voilà, merci de votre attention. Merci Émilie pour cette présentation qui montre que bien souvent les travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques permettent de documenter l'évolution des bâtiments, puisque la carte stratigraphique documente comment le bâtiment a pu vivre sur des décennies, parfois des siècles, et comment les ont occupé ces bâtiments justement. Et donc en cela, il est important pour l'archéologie de collaborer en permanence avec les services des monuments historiques, et c'est également le cas, on le verra tout à l'heure, sur l'habitation Loyola. Merci encore, Émilie, c'était passionnant. Peut-être ça peut entrecouper des questions. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qu'on espère retirer, enfin, dans le but de ce travail, au-delà de l'aspect descriptif, qu'est-ce qu'on cherche à documenter? Est-ce que c'est les conditions de... les cellules, parce que j'imagine que ça, il doit y avoir des registres où on sait qui a été interné dans cette asile et peut-être dans quelle cellule. Alors ça va faire partie des futures études complémentaires. On sait qu'il y avait auparavant les bagnards étaient souvent punis pour avoir fait des graffitis et étaient enfermés dans des cellules. Après, au niveau historique, de ma connaissance actuelle, je ne peux pas vous en dire plus. Pour le moment, on est juste sur une étude préalable, sur un inventaire, pour pas qu'il ne se perde, donc inventaire instant T. Et il serait à relier aux différents graffitis qu'on peut aussi retrouver sur l'île et dans les autres... Nous, on a lancé ce genre d'études car c'est un, pour, en tout cas pour ma part, nous sommes sur un monument inscrit, donc nous avons l'obligation de sauvegarde patrimoniale et à partir de là, d'un recensement d'à peu près toutes les parties. Et après, dans les futures études, nous raccrocherons plus par rapport à l'historique et aux différentes personnes et de faire un lien avec tout ça. Si je peux juste compléter, si vous permettez. En fait, avec l'asile, on a vraiment des graffitis qui sont très spécifiques à ce bâtiment-là. Sur d'autres parties des îles, on a des graffitis qui sont bien plus précis, avec le nom du bagnard et la date. Donc on a certains graffitis qu'on a déjà réussi à relier à un parcours. Donc ça permet finalement d'approcher l'histoire du bagne par un parcours individuel et d'essayer d'éclairer les histoires personnelles de certains des bagnards, parce que c'est vrai que sinon on a une masse assez globale qu'on n'arrive pas forcément à percevoir. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes de recherche, comme disait Émilie. On a la piste autour de l'économie parallèle aussi, qui fonctionnait au bagne, puisqu'on a certains graffitis, pas dans l'asile, parce que c'est vrai que c'est des graffitis qui n'ont pas forcément de sens, mais dans d'autres cellules, où on a des comptes de bagnards, où ils tenaient effectivement leur compte, avec combien ils devaient à qui, pour quel type de matière qu'ils avaient pu échanger, des services, du chocolat, etc. Donc on a cette approche aussi sociale sur l'histoire du bagne. Voilà, c'est juste deux pistes qu'on pourra suivre. Une petite réflexion, parce que ce bâtiment-là de l'asile, c'est un bâtiment donc qui n'est pas destiné à être un asile au départ. Il fait partie du premier bagne, donc de celui du Second Empire. Cet asile est mis en place dans le bagne de la deuxième version, qui est celle de la Troisième République, qui est dans le tout répressif et qui produit de la folie. Parce que même si bon nombre d'entre ces bagnards étaient des meurtriers avec un profil pathologique certain, l'enfermement en outrance produit par ce second bagne produit la folie, rend les gens fous. Et donc il est très particulier, effectivement, par rapport à tout ce que tu disais et tout ça, et il est un témoignage de ça, un témoignage direct, relativement incompréhensible, hein, je ne sais pas si on arrivera comme vous disiez, à raccorder l'un à l'autre, j'ai personnellement peu d'espoir, mais voilà, ça reste un témoignage assez exceptionnel de ça, et pour ça, ça mérite effectivement d'être conservé. Merci Émilie et merci à une dernière fois. Je voulais juste compléter par rapport à tout ce qui a été dit. En fait, il manque en Guyane une longue histoire de l'enfermement qui a curé à la fois la question du bagne et la question des hôpitaux, des lieux d'asile, des hôpitaux psychiatriques. Et cette longue histoire de l'enfermement permettrait justement de mettre en avant l'apport de l'archéologie. Et moi également, je trouve important que cela nous renforce cette recherche très, très prometteuse. Et ça éclaire aussi, ça me donne des pistes sur l'histoire du bagne en tant que recherche historique en tout cas. Bien, merci à Émilie donc et à tous les contributeurs qui ont pu compléter ce propos. La communication suivante est un petit peu particulière, elle est un petit peu à distance. Hein. C'est Elisabeth Clay et Michel.